Deuxième livre des Rois, chapitre 16. La 17e année de Pekach fils de Remalia, Achaz fils de Jotam roi de Juda, commence à régner. Achaz était âgé de 20 ans quand il commença à régner, et il régna 16 ans à Jérusalem, et il ne fit point ce qui est droit devant l'Éternel, son Dieu comme avait fait David son père. Mais il suivit le train des rois d'Israël, et même il fit passer son fils par le feu, selon les abominations des nations, que l'Éternel avait chassé de devant les enfants d'Israël. Il sacrifiait aussi et faisait des encensements dans les hauts lieux, et sur les coteaux, et sous tout arbre verdoyant. Alors Etsin roi de Syrie, et Pekach fils de Remalia roi d'Israël, montèrent contre Jérusalem pour lui faire la guerre, et ils assiégèrent Achaz, mais ils n'en purent point venir à bout par les armes. En ce temps-là Etsin roi de Syrie, remit Elathan la puissance des Syriens, car il déposséda les Juifs d'Elath, et les Syriens entrèrent à Elath, et ils y ont demeuré jusqu'à ce jour. Or Achaz avait envoyé des messagers à Tiglath-Pilézer roi des Assyriens, pour lui dire, « Je suis ton serviteur, et ton fils, montez délivre-moi de la main du roi des Syriens, et de la main du roi d'Israël, qui s'élève contre moi. » Et Achaz avait pris l'argent, et l'or qui s'était trouvé dans la maison de l'Éternel, et dans les trésors de la maison royale, et il l'avait envoyé en don au roi d'Assyrie. Et le roi d'Assyrie acquiesça, et monta à Damas, et la prit, et en transporta le peuple à Kir, et fit mourir Retsin. Alors le roi Achaz s'en alla au-devant de Tiglath-Pilézer roi d'Assyrie, à Damas, et le roi Achaz ayant vu l'autel qui était à Damas, envoya à Uri le sacrificateur, la figure et le modèle de cet autel, selon toute la façon qu'il avait. Et Uri le sacrificateur bâtit un autel, suivant tout ce que le roi Achaz avait mandé de Damas, Uri le sacrificateur le fit tout semblable, en attendant que le roi Achaz fût revenu de Damas. Et quand le roi Achaz fut revenu de Damas, et eut vu l'autel, il s'en approcha, et offrit sur cet autel, et fit fumer son holocauste et son sacrifice, et versa ses aspersions, et répandit le sang de ses sacrifices de prospérité sur cet autel-là. Et quant à l'autel d'airain qui était devant l'Éternel, il le fit reculer de devant la maison, d'entre l'autel et la maison de l'Éternel, et le mit à côté de cet autre autel, vers le septentrion. Et le roi Achaz commanda à Uri le sacrificateur, et lui dit, « Fais fumer l'holocauste du matin, et l'oblation du soir, et l'holocauste du roi avec son gâteau, et l'holocauste de tout le peuple du pays avec leur gâteau, et leurs aspersions sur le grand autel, et répands tout le sang des holocaustes et tout le sang des sacrifices sur cet autel, mais l'autel d'airain sera pour moi, afin de m'y enquérir du Seigneur. » Et Uri le sacrificateur, fit comme le roi Achaz lui avait commandé. Le roi Achaz retrancha aussi les embattements des soubassements, et en ôta les cuviers qui étaient dessus, et fit ôter la mer de dessus les bœufs d'airain, qui étaient dessous, et la mit sur un pavé de pierre. Il ôta aussi de la maison de l'Éternel, le couvert du sabbat qu'on avait bâti au temple, et l'entrée du roi qui était en dehors, à cause du roi des Assyriens. Le reste des faits d'Achaz, lesquels il a fait, n'est-il pas écrit au livre des chroniques des rois de Juda? Puis Achaz s'endormit avec ses pères, et fut enseveli avec eux en la cité de David, et Ézéchia son fils régna en sa place.